Y'a tout le temps quatre ronds d'allumer sur le feu de mes ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire pour tout et rien, jouer du coude pour garder sa place. À vivre que pour octobre est déjà fini. C'est comme ça que je passe mon Halloween, Steve. Faut que j'étudie, là, fait que je vais faire ça vite, mais je tenais à pas manquer une semaine quand même, juste pour le principe. Là. Mais ouais, week-end est fini, week-night arrive. C'est les match-ups, des match-ups séries, il y a des blowouts. Deux match-ups bien serrés. Deux qui ont fini avec 4 points d'écart et moins. Fait que c'est quand même... ouais. C'est pas des match-ups que je m'attendais à ce qu'ils soient serrés. Mais justement, je vais pas passer une heure sur les match-ups la semaine passée parce qu'on est déjà mercredi soir. C'est à jeudi, là. Excusez. Donc, ouais. Les Pelicans qui l'emportent 130 à 95 sur Mofos. J'ai dit que les Pelicans allaient avoir été une bonne semaine la semaine passée. J'ai pas dit 130 points bonne semaine, tu sais, mais... good job les Pelicans. Romain, que je critique 116, mais qui semble faire 100 points pareil, peu importe son line-up. Watson, grosse semaine. McCaffrey aussi. Terry Cohen aussi. T. Wilton, non. Ben Evans, oui. Jared Cook, oui. Puis Edelman, oui. Fait que ça fait 130 points, ça. D'autre bord, Rogers, c'est bon. Carson, très très bonne semaine. Lindsay, je m'y attendais. Golden Tate, bonne semaine. Mais je pense plus que ça va être le cas. En tout cas, j'en parlerai après. Là. Michael Thomas, ça va. Hurt, ça va. Puis Lockett, ça va. Lockett, toujours un touchdown, Chris. C'est bizarre. Un autre match-up. Junkies qui pète 100 points pour la première fois. Mais c'est pas suffisant. Perdre 116-101 contre Argent et Votre Technique. Andrew Luck, très constant, 23 points. Peterson, 26 points, très bon. Chubb, 8,5 points, serviceable. Thielen, qui continue d'être une machine, à 20 points. Galladay, 1 point. Chie deux semaines en ligne. Howard, 14 points, très bon. Et Doug Martin, 8 points, ça va. Surtout avec le fumble. L'autre bord, Winston, 8 points, on sait tout ce qui s'est passé. Mais Connor, 35 points. Carver, 23 points. Hopkins, 23 points. John Brown, ouais, pas très bon. Kelsey, 17 points, très bon. Puis Funchess, 4 points, pas très bon. Donc, moi, qui continue à la première place, les Junkies qui bougent de plus en plus en must-win situation, là. Autre match-up, moi contre Dédé, je l'emporte 111-107. Je pensais que j'allais perdre, honnêtement. Juste parce que j'ai des gants en bail, puis bien des blessures. Mais... à cause de M. Gurley, 30 points. Et Marlon Mack, 28 points. Je suis épaté. Trubisky, 22, a fait la job. Beckham, 17, bonne semaine. Traquan, 3, pas bon. Njoku, il m'a fait un bagel. Mais, whatever. Et Jalen Richard, 10 points, ça va. Le Barker Cousins, 20 points, c'est bon. Joe Mixon, 27, excellent. Saquon, 15 points, c'est son floor, esti. AJ Green, 16, c'est bon. Brandon Cooks, 10, un petit peu décevant. Trey Burton, 3 points. Et ça, c'est pas bon. Puis DeSean Jackson qui a une longue touchdown pour 15 points. Donc, mon oncle qui prend une autre défaite, ça fait mal. On l'entend chialer, anyway, on l'a tout vu. Et moi, je tombe à 5-3. Je prends une bonne avance dans la division. Ben non, pas nécessairement, mais anyway, j'avais besoin de cette victoire. Je suis sûr que j'allais perdre. Je suis sûr que j'allais tomber 4-4. Autre match-up, Paris le Potato qui s'incline 116-63 contre les Sinners, un blowout. Parce que Tom Brady 14, David Johnson 12, Kareem Hunt 17. Jusqu'à là, ça va, là, mais Jeffrey 5, Smith, Schuster 5, Rudolph 6, Baldwin 3. C'est pas une grosse semaine quand personne n'a de touchdown dans ces 4-là. Donc, bon, Mahomes 26, Lamar Miller 19, Kerryon 12, Antonio Brown 22 points, Jarvis Landry 8 points, George Kittle 8 points, Will Fuller 21 points. RIP, never forget, rest in peace, Will Fuller. Fait que, ouais. Sinners qui continue à lancer. J'ai dit 1-4, c'est une bonne équipe. Et on se réveille une couple de semaines plus tard. Et ils sont 4-4 et dans la course aux séries. Très, très surprenant. Et mon cousin qui, après sa victoire, sa séquence de deux victoires en consécutive, qui se retrouve 3-5, on sait pas trop ce qui va se passer. Ma division, c'est un bordel. Et c'est ça. L'autre bord, c'est pas cool, c'est qu'en arrache une. Sophisticated Sex Robot 111 à 109.7 110. Il a gagné par 1.4 ce style-là, imagine-toi. J'étais sûr que Morrow allait perdre. Parce que Dalton à 20 c'était bon, Kalen Drake, Ghostman 22, Howard 14, D'Adams 15, Tyler Boyd 24, Gronk 5.8. Ouais, ça, surtout vu que c'était Monday Night, ça tue en titre. Gronk, c'est un gros boss cette année. Taylor Gabriel, 7 points. Lombard, Cam, 28. Mark Ingram, 10. James White, 20. Emmanuel Sanders, 7. Stephon Diggs, 23. Greg Olsen, 13. Puis Tyreek Hill, 8.5. Ouais. Molo l'a arraché, celle-là. Antin avait besoin. Donc, Molo qui reste à égalité avec Monette pour la première place. Et Antti qui tombe à 2-6 et qui va avoir besoin d'une victoire. Il n'avait besoin de sa victoire. Je me sentais mal. J'étais comme, oh my god. Moi, je voulais je votais pour Antti. J'aime ça voir Molo perdre. Et même s'il est dans ma division, là, ça me dérangeait moins. Mais là, ouais, là, il a besoin d'une victoire, Antti. Ouais. En tout cas. Donc, ouais, je regarde le classement. Dans ma division, je m'attends à finir premier. Mon cousin, d'après moi, il va rentrer. Simon va rentrer. Mais je veux dire, le third seed est absolument up for grabs. Moi, je pense que je bats Témien cette semaine. Ça ferait une autre défaite. Là, t'as Vince contre Simon Martineau. T'as Anctil qui, je sais plus qui est contre qui. Là. Il compte Zav, ok. Fait que, ouais, j'aime pas tant ses chances non plus. Fait que ça, c'est un gros clusterfuck. On sait pas qui pourrait faire les séries dans la division. Puis une fois que tu fais les séries, on sait pas. Puis au bord, Monette pis Marlow semblent sur une lancée, là. Pour moi, les deux sont pas en garantie rentrée. Xav, ça rapproche à une game de Romain. Et il y a plus de points pour. Donc là, Romain va commencer à avoir chaud, là. Ouais, 5-3. Moi, Dédé, avec cette défaite-là, a fait mal, là. Je pense. Je sais pas qu'il est fini, mais ça va être difficile. Je pense que Xav va sneaker past Romain. Oui, ça fait longtemps que je le dis, là, mais je pense que Xav va rentrer. Ouais, je pense que Xav, il se posait me rejoindre. Il m'avait dit qu'il voulait être au téléphone. Mais ouais. Je vais faire les power rankings. Puis, faire un spooky edition. Non, c'est un peu con, là, mais je vais le dire, les équipes, je vais dire, cette équipe-là, je pense, a le potentiel de faire du dommage en série. Ouais. Excusez, là, c'est compliqué. Mais dixième, vous êtes... Désolé, c'est Vince. C'est Vince. Parce que... Monsieur Divac? Monsieur Sins? C'est bien moi. Ah, oh, c'est lui. Non. T'étais rendu où? À passer l'Halloween. Ah, bon mime. Au milieu de la rue avec mon micro. Je demande à tous les kids qu'est-ce qu'ils pensent de la Ligue des Vidanges. Genre, je sais pas. À l'âge, je me suis poussé deux fois par des parents. J'ai demandé comment allaient les Flying Pelicans puis les Ailes Gros. Ah ben, les Pelicans sont en forme, je pense, mais Ailes Gros, je pense qu'ils font un peu moins bien. Là. Ouais. T'as-tu faisais tes rankings? Non, je faisais là. Oh, c'était d'accord avec moi. Moi, je les ai pas faites, là. Je pensais que tu allais faire. Bah, whatever. Vas-y, je vais. Tu fais juste comme. Faudrait juste commenter, là. Ouais, j'ai mis Vince 10e. Ouais. Parce que Mané, il arrête pas de perdre. Puis, tu sais qu'il a fait un autre 100 points une fois dans l'année. Ouais, puis là, j'aime bien le garder qui va être correct, là. Mais il est pas. Michel est blessé. Ah, ben, Michel va revenir. Je pense, anyway. J'aime son équipe. C'est juste que là, je peux pas le mettre plus haut que 10 tant qu'il. Non, ton Nick Chubb pick-up, il a peut-être sauvé sa saison, mais même là, il est à 2-6, fait que... C'est ça. J'ai chance qu'il est dans ma division, parce que... Ça serait chier dans la gueule. ouais, j'ai mis Anctin 9e, même si c'est une bonne semaine, là, c'est juste que... Genre, Kenyon Drake fera pas 25 points à chaque fois, puis... genre, personne dans les deux derniers qui sont éliminés, là, parce que c'est plus faible, puis c'est ça. Puis 8e, j'ai mis mon cousin qui a pris une petite glissade, là. Ben, Emilien. Emilien, ouais, Emilien. Parce que. C'est pas. Ouais. Ben, Baldwin, c'est juste un gros flop, finalement. On pensait qu'il était remonté, mais c'est un gros flop. Ouais, c'est ça. Puis la semaine qu'il y a eu, le 63, là. Ouais, ça c'est minimal. Kareem Hunt, c'est bon, mais genre, à part ça, il y a personne. Puis Tom. Il n'y a pas de tight end. J'essaie de me pogner Kittle depuis genre 2 semaines. Là, mais... Ouais. Il va jouer demain, je pense, better. Fait que t'es correct. Ouais, je vais être correct. Mais moi, je start de peu importe. Ouais, t'as pas le choix. 7e, j'ai mis mon oncle. Je pense que ça fait 10 semaines en ligne qu'il est 7e. Je sais jamais quoi faire. C'est là qu'il mérite d'être aussi. Là. Parce que. Tu peux avoir 3 QB dans ton roster quand t'as pas de running back pour une week. Ouais, c'est ça que. Hey, j'ai hâte qu'on soit rendu au bon preview de la semaine prochaine parce que mon oncle. Ouais. Ouais, on va garder le spike pour plus tard. Ouais. 6e, j'ai mis Romain. Genre, à cause de Monette, il y a une bonne équipe à cette heure. Ouais. Mais à cause de Chris. Ben, Carson, il vient de pop, là. Ça a quand même. Il y a eu 2-3 grosses semaines dernièrement. Ouais, ça c'est bon. Plus. Ben, Seahawks veut juste fucking run the ball, là. Ça a aucun bon sens. Genre, c'est bon d'avoir son lineup. Ouais, lui et puis Lindsay. Il a donné Coleman puis Lindsay. Ouais. Il est en business, là. C'est des RB2 ou 3, là, mais si t'en as deux, ben. Ouais, Lindsay. Il a des spots, là. Ouais, Lindsay est vraiment fort, puis je veux dire. Freeman est blessé. Ouais. Mais les deux Freeman sont blessés. Fait que les deux. Never forget. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il rely on. On va parler des matchs la semaine prochaine, plus tard. Là. Mais ouais, écoute, son équipe est pas mauvaise. Là. Zachert, c'est crissement bon. C'est sûr qu'avoir Tyler Lockett qui est touchdown dependent, c'est un peu. Mais il score tout le temps. Il l'a fait, là, mais je sais pas s'il va le faire jusqu'à la fin. Ouais, ça, peut-être qu'il. Ouais. Peut-être qu'il va, ça va y chier dans les mains. Mais à date, Lockett, je pense qu'il est touchdown à chaque semaine. C'est cave, là. Non, fait que c'est ça. Son Army Core, il est pas aussi mauvais qu'il l'était. Il est correct, là, je pense. Continue à gagner quand même assez souvent cette saison. Là, Michael Thomas, c'est vraiment fort. Gavin Rodgers, rien à dire. Ouais. Ça va être serré jusqu'à la fin de l'année pour lui, là, les playoffs. Ouais, 5e, j'ai mis Simon. J'avais dit qu'elle avait une bonne semaine la semaine passée. Là. Peut-être pas 130 points, là, mais Chris. Genre, son starting line-up est pas mauvais. Là. McCaffrey, Cohen, Hilton, Evans. Non, c'est bon. Là. Ceux qui Watson, je ben là, ils ont reprené Demaryius Thomas, là, mais ouais, il va rester le Deshaun Watson qui était, là, je pense. Ah, je m'attends à l'affronter pendant les playoffs, là, honnêtement, c'est dans ma division. Ouais. Là. Cohen, c'est un gros. Ben, j'essaie de se pogner, mais il l'aime un peu. Fait que... Ouais, j'ai essayé de le sneaker dans le trail à Gurley, je dis, ouais, c'est ça qu'il m'a dit, mais. il y a du boulon, je veux le garder, là. Ok, c'est beau. Ah, je comprends, là, quand même. Assez productif. Là. Sinon, ben, le reste de son équipe, c'est pas flashy, là, mais il peut gagner des games avec ça. C'est juste solide. Non, c'est vrai. Puis, c'est ça. J'ai mis Marlow 4e parce que je pense qu'il est en train de dropper un peu, là, honnêtement, sa team. Genre, il y a James White, là, mais Bell, il revient pas encore. Ingram, il est pas aussi hot que l'an passé. Fournette, il est mort. Fournette est mort. Puis non, c'est wideouts sont bons, mais sont pas. Harry Kill, c'est un rely on him, mais Stephon Diggs, on a vu qu'il peut être inconstant. Ouais, Ebron est. Ouais, c'est ça. Puis Ebron Doyle est revenu. Ouais, ben Ebron, c'est un flop dans deux semaines. Ça, Greg Olsen, à la date, c'est bon, on va voir. Là. Fait que non, Marlo, il est une bonne team. C'est juste que je pense pas que c'est aussi dominant qu'avant. Non, mais c'est ça. C'est Stephon Diggs qu'on a vu qu'il était inconstant, que ça l'a comme fait un peu baisser. C'était comme sa force, ses wide receivers. Ouais, c'est vrai. Diggs, il est aussi dominant que les autres de la saison. Il perd un peu de punch, là, mais. Écoute, quand Bell et Fournette vont venir, ils vont retourner au top, là, selon moi. Ouais, mais. Ceux qui aiment Good et White peuvent tenir le fort pour l'instant. Ceux qui aiment Good ne m'impressionnent pas vraiment. Non, c'est ça. Puis, mais je pense que Monet a plus peur du numéro 3 sur la liste. Allons-y. Les Sinners! Les Sinners! Ah ouais, là, ça fait 3 victoires en ligne. Là. Fait que, comment tu ton équipe, Zav? Ouais. Ben là, écoute, ça fait 2 semaines que j'ai pas Melvin Gordon. J'avais pas Antonio Brown. J'ai réussi à faire 32 points et plus. Ce que pogner Lamar Miller, ça m'a aidé. Il y a eu deux grosses semaines. Kerry Hunt Johnson, il est solide. Mahomes, ben c'est fucking Patrick Mahomes, merci Vin. écoute, j'ai ramassé Marvin Jones, Cortland Sutton avant le deadline. Ça peut pas me nuire, là. C'est quand même deux gros. Deux gars qui ont pris pas mal de value. Écoute, à part peut-être mon wide receiver two spot, je vois pas vraiment de faiblesse. À moins que Kerryon Johnson perde un peu du punch qu'il a, mais je pense pas. Là. Écoute, je sais pas quoi dire sur mon équipe. Là. Je pense que je l'aime vraiment beaucoup. Non. Parce qu'à 4-4, c'est dur d'aimer une équipe 4-4 là, parce que c'est quand même. Ah, t'es à une win des playoffs. Là. T'as plus de points pour que Romain. Fait que, genre, si tu gagnes une autre victoire, là, tu bouges en. Non, c'est sûr, mais Romain, Chris, il gagne constamment. C'est ça qui est passé le passé, mais t'as pas mal, tu fais toujours pas gagner. Ben, tu vois, cette semaine, il pogne Marlo, pis genre, je pense, toi, dans pas long après, là, fait que tu vas avoir ta chance. Ouais, c'est sûr. Pis le Cook va vraiment m'amener, je pense que mon line-up. Je pense qu'il revient cette semaine. En tout cas, il a pratiqué. Là, non, fait. Ben, en tout cas, de ce qu'il disait, il revenait après le bye week, qui est la semaine prochaine. Ah, ouais, c'est vrai, il avait dit ça. Pour mais... ça que M. Murray était très important. On le donnait en Actil. Non, ben, c'est pas de sa faute. Non, juste que. Je vais te demander. Non, je sais que c'est Sleazy Monette, là, mais ouais. Yeah, whatever. Deuxième, Jimmy Moi. Ben, genre, je m'attendais pas à ce que Marlon Mack fasse 30 points par semaine. Ça, c'est en tout cas, il a fait 2 semaines en ligne. Puis, le Cooper Cup, il devrait revenir cette semaine. Puis, non, je suis assez confiant, là, même avec les bails qui arrivent. Là. La seule affaire qui me fait. Tous les bails, t'as fait mal parce que t'as pas vraiment de profondeur depuis le goal de early trade. Ouais. Ouais, je sais. Genre, ta seule faiblesse, c'était comme des streaming, là. Genre, ton QB pis ton Titan. Ben, ton Titan, c'est pas tant un streak, là, mais. Ouais, je sais. Ben, il est limite, là. Ouais, c'est ça. C'est quasiment un stream rendu là. Mais, non, ben, j'aime les joueurs que t'as, ceux que cette semaine. Vu que les bails, ça te fait mal. Mais ceux que tu crois en 10 mètres. Ouais, non, je sais. Ça, tu sais, mon full line-up, c'est comme Gurley, Elliott, Beckham, Cup, pis genre, sûrement Marlon Mack. Ouais. Fait que je veux dire, j'ai. Toute ton équipe en santé, pas de bail, ça fait peur en tabarnak. Ouais. Trouve un QB stable, parce que je sais pas, dans les playoffs, tu vas de quoi de disponible. Ouais, je surveille les match-ups en playoffs, mais genre, y'a pas de. Moi, ouais, de rien, hein. Quelqu'un va le scoop. Il n'y a pas de candidat évident. Anyway, je suis concentré à chaque semaine. Puis, je veux dire, je vais commencer. Si je gagne encore cette semaine, je tombe 6-3. Je vais commencer à checker ça plus pour le championship. Puis, week 14 à 16, de quoi ça a de l'air. Ben, la seule affaire qui t'enlève du power ranking, ben, number one spot dans le power ranking, c'est ton depth. Là. C'est juste ça qui te manque. Parce que sinon, starter, tu sais, on dit que Dédé, il y a des bons starters, band-mouth, t'es un band-mouth, mais plus que des bons starters, t'as des excellents starters, ouais. C'est ce qui te rend là, sûr, ça va faire mal. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Puis... moins l'all-in. Ouais, c'est pour cette année, hein. Pas comme l'année prochaine, Nasty. Pas les junkies. Puis, ouais, j'ai mis Monette premier parce que, ben, tant que Connor a le full workload, c'est, je pense, sa meilleure équipe, là, Kamara, Julio Hopkins, puis Kelsey. C'est ça. C'est toutes des fucking stars. C'est... ouais, puis là, il met Latavius en flex, ça, c'est temporaire. Ouais. Là. Fait que, je veux dire, il est premier, mais temporaire. Il devrait mettre Carlo au site, ah non. Mais il va peut-être réussir à s'enfuir avec le bail s'il continue de même. Fait. Ouais, je pense bien qu'il va l'avoir le bail. Je cours plus après, je cours après Molo et Romain. Je pense pas que je courrais après Monette. Non, c'est vrai. En série, il va moins me faire peur que Molo, mais là, en ce moment, il fait peur. C'est pour ça qu'il est numéro 1. Non, c'est ça. Non, il en a gagné 5 en ligne, tu sais. Parce que, tu sais, quand Connor va partir, ben, il va être encore startable, mais ce ne sera pas un running back 1, ça va être un flex, je pense, quand que Bell va revenir. Ouais. Fait ça y allait sur un running back 1, Kamara va le prendre le spot, mais c'est parce que là, Murray s'en va. Là, tu vois, un flex, il va comme manquer un running back là-dedans, il n'y en a pas sur son bench. Fait que je ne sais pas comment il va s'arranger avec ça éventuellement. Parce qu'il n'y a vraiment rien, c'est waivers, là, c'est épouvantable. Ouais, c'est vrai. Ben, il va pouvoir mettre un receiver, là. Je sais pas. Quand il sera John Brown. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Dans son flux, il va mettre un receiver. Je sais pas pourquoi tu penses à ça. Mais. Ouais, ces receivers, ils ont de l'allure, là. En tout cas, il va perdre du punch quand Connor va partir. Puis Murray, ben. Ça va être un drop bientôt. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que c'est fucking peur, là, gros. Hopkins, Jones, Kelsey, c'est violent tabarnak, là. Non, c'est ça. En ce moment, il est premier. Là. Pas de non, doute là-dessus. Il, à moins d'une blessure ou de quelque chose dans le genre, il va rester premier, je pense. Non, je suis d'accord. Puis, ouais, les... ah, j'avais dit au début, j'allais dire que quelle équipe qui est spooky, mais dans le fond, c'est pas compliqué. Chris, c'est 4 à 1. Là. Les équipes 4 à 1, là, c'est celle que j'ai... Peut-être Simon, pas Romain, puis honnêtement, pas le reste. Donc, c'est... genre, ouais. Il y a 4 contenders en ce moment avec. Pour le moment. Ça fait 3 semaines qu'il y a 4 contenders. Je pense pas que ça change. C'est ça. Puis je pense que Simon, il est comme outside looking in. Il est pas. Ouais, il est comme pris spot à Vince la semaine passée qu'on disait que ça pouvait être lui. Ben, la semaine passée, on a dit mais que c'était Emilien là, à cause qu'il avait explosé, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Bon, mais à chaque semaine, ça change. On dirait parce que si tu mettons, top tu vas de 5 à 10, là, ils ont tout encore une chance là, à cause de ta division de marde. Ouais. N'importe qui là-dedans, chaque semaine, il peut se retrouver comme 5e équipe puis tomber 10e après parce que ils sont comme à un joueur ou un boom ou un boss de perdre. Donc, c'est ça, puis... ils dans leur équipe. Ils dépendent des joueurs de marde. Mais pas des joueurs de marde, mais c'est des joueurs qui... c'est pas des joueurs constants. Là. Ceux qui ont, si ont 3 games de marde en ligne, ben, vont descendre. Anyway, je prédis encore que c'est Vince qui va le third seed dans ma division, là. Mais je commence à penser. C'est ça que je pense. Je pense encore que c'est Vince qui va l'avoir, mais ouais. Faut qu'il commence à gagner un moment donné. Là. Parce que Vince, il a le moins de points pour et le plus de points contre, je pense. Chose de même, moi. C'est un gros meme. Genre, il est comme unlucky. Ouais, tout par monde... rapport à ses opponents puis par rapport à lui-même. Genre, c'est pas son année. C'est comme les Sinners de l'année passée. Ouais, tout le monde tape ses junkies. Les pauvres junkies. Les pauvres junkies. C'est top, Hochelaga. Oh, never forget. Fait que... on va finir ça avec les match-up, là. Faire ça, ouais. Ça assez rapidement, mais... le Monette contre TD, c'est proche de finir 113 à 80. Fait que Ben contre Breeze, actually j'aime mieux Breeze contre les Rams. Ouais, mais... ben c'est ça, l'autre c'est Baltimore. Mais Connor pis Kamara, ça blowout Barber pis Breda. Julio pis Hopkins contre Cooks pis Yemi Tyrell Williams. Ouf, ouais. Tyrell. Ok, ouais. Je pense que Cooks va peut-être avoir genre une game de 30 points, ça se peut. Ouais, mais Mais. il y a genre 6 receivers avec les Rams. Genre, c'est impossible qu'il y ait tout leur target. Non, c'est ça. S'il peut avoir une grosse game parce qu'il court comme un esti de monstre, mais. Je sais pas, là. Les Saints, ils commencent à faire un peu plus peur à la défense. Ouais, non. Bon, c'est pas un mauvais start, là. C'est juste que j'aime pas mal mieux Jones que Hopkins. Non, c'est vrai. Puis Kelce est meilleur que Burton, puis j'aime mieux Latavius que DeSean Jackson, même si DeSean Jackson il a fait ce Magic. Ça se peut qu'il y ait une Mais semaine attends, de merde aussi. ouais, on peut aller voir les autres flex options. Ah, oh, Fitzpatrick puis Cousins. Sur son banc. Hey, un banc bien rempli. C'est un bon bench quand tu le regardes honnêtement. Oui. Je comprends pas comment tu peux avoir 3 QB en 100 cas. Ah, en tout cas, whatever. Les trades. Ouais, c'est pour les trades. Il est connecté une fois chez l'homme, mais je pense pas que les trades Ça se donne. font aller par là. Pelicans contre Junkies, ça c'est big pour Vince, honnêtement. Faut qu'il gagne ça pour vrai, parce que. Ouais, sinon il est out, je pense. Il est pas out. Fait que Alex Smith contre DeSean, ouais. Je pense qu'il va l'enlever Alex Smith, mais il l'a mis là pour le moment, là. Je pense qu'il va en mettre un autre. J'ai dit de pas mettre Smith puis Peterson, c'est pas une bonne idée. Puis, ouais, Smith contre Watson, et oui, j'aime mieux Watson. McCaffrey, Quinn contre Peterson, Chubb. J'aime mieux Simon. Edelman, puis Evans contre Thielen Golladay. Je pense que j'aime mieux Thielen Golladay, honnêtement, là. Mais sans Golden Tate, là. Ouais, c'est Une bonne vrai. game en plus. Ouais, ça va être un shootout. Cook pis contre Howard, whatever man, Ouais, pas mal légal. ça il joue jeudi, fait qu'on va voir. Puis Deion Lewis contre Doug Martin. J'aime quand même Doug Martin cette semaine, honnêtement. Le match-up est bon. Mais. Puis Deion Lewis, lui, man, je sais pas, là. Ben, Il a une bonne c'est un sujet qui semaine. parle, c'est quand même. Contre les Cowboys, Monday Night, ça peut. D'après Ça va moi, être c'est des games, Monday Night qui whatever. va décider ce match-up, honnêtement. Ouais, mais j'aime quand même mieux l'équipe à Simon, je pense. Ouais, ça l'avantage à Simon, mais c'est pas toutes les semaines qu'on dit que Vince a une bonne chance de gagner. Là, il a une bonne chance de gagner, fait que. Ben non, je pense que tu disais avec cette prise de fin que Vince pourrait gagner, comme jamais. Ben, pas contre Monette la semaine passée, en tout cas, mais. Non, c'est. En tout Mais ouais, Ben il était pas loin. je sais, c'est. Fait. Mais, en tout cas, c'est Junkies. En tout cas, ouais, Simon va sûrement gagner, mais don't sleep on the junkies, comme il dirait. Non, ben ça dépend. Ouais. Ça va dépendre de son QB. Si Alex Smith va faire 15 points, je pense pas que. Ouais. J'ai dit peut-être mettre Baker Mayfield ou même Dak. Genre, essaye-toi avec Dak. On Ouais. sent. Le problème avec Dak, c'est qu'il est Monday Night. Fait que Ce serait spicy. Ouais. Ouais, en tout cas. Ouais, moi contre Emilien, là. C'est juste qu'Emilien a des gants en bail, là. Il y a Jeffrey puis David Johnson en bail. Moi, j'ai Oui, c'est pas Odell. Crowell, Ouais. J'ai Odell puis Mac. Fait que Russell Wilson contre Brady, avantage Brady, ça c'est chill. Gurley Elliott contre Crowell puis Hunt, je pense pas que c'est proche. à chaque match-up, tes Ouais. running backs sont meilleurs que celui de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Cooper Kupp, Tre'Quan Smith contre Doug Baldwin puis Juju. C'est pas mal égal, là. Ouais. Dans moi, comme je pas, là. Ouais, d'après moi, il va jouer. Mais ouais, le coach a dit qu'il allait jouer, fait que whatever. Moi, qui reviennent de blesser, ça me fait peur. Ouais, sinon j'ai pitché Chris Et 30% Godwin. de snap, là. Ouais, non, je comprends. Non, c'est vrai. M'a sauvé les affaires anyway pendant la semaine, là. Graham contre Rudolph. Pas mal légal. Ouais, Même là, quoi, plus. Je sais puis pas. Flash contre Les Crabtree. Titans, c'est fucking scrap. Ouais. Bon, c'est de la dompe. Même Gronk, on dirait que t'es à 60% à chaque game, hein. C'est. Ben, il y a 3 bons tight ends, je pense, là, en ce moment dans la ligue. Fait que, pour le fantasy, là, je pense. Troisième, c'est pas Gronk, c'est. C'est Monsieur Kello. Ah oui, c'est vrai, Chris. Under the radar. Ouais, genre Kelce pis Hurts sont très très constants. C'est con. C'est rendu, ils sont tout seuls dans leur ligue. Gronk est même plus là. Non, c'est ça. Ça y a tué Anctil, Chris, lundi soir. Anctil aurait dû gagner, là. Bon, il a tué sa saison aussi. Il est quand même, j'espère qu'il l'a pas, il est haut dans le draft. Il chie dans les mains. Ouais, ça fait mal pour vrai. Puis ça, Flash contre Crabtree, fuck it, j'aime mieux Flash contre les Packers, mais c'est. Ça veut Ouais, vraiment mais mal faire. Flash, il pourrait se faire couper de main, on sait pas. Ouais, c'est pour ça que genre je bang pas sur Gordon. Je start cette semaine parce que bye, là, mais. Vous pouvez te monsieur Richard. Non, lui, je pense que je vais m'en passer pour cette semaine. Je pense pas que le game script va être propice à Monsieur Jalen demain, là. Mais quand c'est Chris Godwin au pire à la place. Ouais, ben, t'as genre quasiment sûr avec lui. C'est ça. Grosse game pour ta division. Mofos contre Los Pogos. Aaron contre Cam, je dis la même affaire. Les deux ils ont un bon match-up. Ouais, c'est vrai. Puis Coleman. Ouais, m'a dit que c'est Coleman son flex. Là. Lindsay puis Carson contre Ingram puis White. J'aime mieux Ingram puis White, mais de pas tant que J'aime ça. pas Ingram contre la D-line des Rams. Ouais, c'est vrai. Puis j'aime pas le match-up pour Ingram non plus. Je l'aime pour James White, là. Ouais, mais James White, c'est un fucking monstre, là, Ouais, c'est honnêtement. cave. Parce que si il attrape du balle par game, ça n'a aucun bon sens. Non, je sais, c'est ridicule. C'est juste. Mais comme la version de New England d'Alvin Kamara, là, Non, exact. c'est. À moins de light. Ouais, non, c'est sûr, là, mais quand même, il Mais fait ça la se trouvait job. vraiment lourd de l'avoir pick-up. Parce que sinon, il n'y avait pas de running back pendant genre 6. Ben écoute, il n'aurait pas fait le trade pendant la soirée. Non, je vais lui donner props à Molo d'avoir ramassé, là. Bon, non, c'est la soirée. Dans ma tête, j'avais tué la manette dans la tête. Mais c'est de l'autre bord qui perdait des running back. Ben ouais, ça a sauvé sa saison. Ça a aucun doute. Puis Stephon Diggs, Tyreek Hill contre Lockett Thomas, j'aime mieux Molo. Puis en flex, mettons Coleman contre Sanders, j'aime mieux Sanders. Puis les tight ends, Pas mal égal. ouais, c'est pas mal égal. Fait que Molo devrait gagner, là, honnêtement. C'est pas. D'après moi, ça va être ta chance, ça, cette semaine, là. Je pense que Romain est tombé à 5-4. Parce que vraiment, il y a deux Seahawks contre les Chargers. Je pense pas que ce soit. Il y en a un ou deux qui va faire des points. Ça va dépendre du game script. Parce que je pense que les Chargers vont leur coller sur le volet. Non, je suis d'accord. Puis, ouais, Ben, pendant. Carson Valley, là, c'est pas une mauvaise équipe. Les Seahawks, c'est sûr que les Chargers reviennent de leur bye. Gordon, il revient. Mais j'ai mis de l'argent sur les Seahawks. Chargers parce qu'ils sont actually underdogs. What Genre. the fuck? T'as combien? Ben, je me. Je sais pas s'ils sont encore, mais. Il était comme de 3. Ben, ils sont là-bas, sur la Seattle. Ouais, non, c'est pour ça. Je check ça, ils sont. Là, c'est rendu 1,5 pour les Seahawks, mais. Parce que moi, les Chargers, c'est une de mes équipes préférées. Là. Ils pourraient se ramener en série, selon moi. Là. Une très bonne équipe. Seahawks ne font pas les playoffs. Non, Seahawks font pas les playoffs, mais ouais, ça, je veux voir les Chargers en playoffs, là. Genre, peut-être aller à Houston contre les Texans ou whatever, là. Mais j'aime vraiment leur équipe. Là. Moi, c'est une de mes trois équipes préférées dans la ligue. Là. Avec les Bears et les Pats. C'est Ah, vraiment le fun à regarder. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, fait que toi, tu vas avoir ta chance. Sinners contre Monsieur Anctil. Monsieur Anctil qui va être. Qui est un petit peu détruit, je pense, par la semaine passée, là. Fait que. Puis là, en plus, il y a Boyd Dalton en bail. Ben écoute, Dalton, c'est un streamer. Ouais, c'est plus Il y a Boyd qui fait River. mal, là. Ouais, Boyd, ça fait mal. Mais... Ouais. Il peut faire 20 points par semaine. Ouais, c'est cave, là. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais. Ouais. Que Mahomes Mahomes. Rivers. Mais contre Cleveland, je sais pas, là. Ça se peut qu'il ça court pas Ah. mal, mais. Mais quoi que Gary s'en calisse, puis même s'il met une 40-0, il va continuer à lancer dans ce Ouais, ballon. on a vu ça. Fait que, y a. Avantage, Tabarnak. bon. Gros Pat, ici. Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur d'après toi, Gordon ou Kenyon Drake? Oui, passer, je te rends ça. Ouais, puis Carry On, Jordan Howard, j'aime quand même mieux Carry On. Même si Ouais, Howard a un c'est bon bon. match-up, mais. C'est ça, Howard, il y a aussi match-up. Puis Kerryon contre les Vikings. Les Vikings n'accordent pas beaucoup de points au running back. Fait je me garde un petit gêne là-dessus, je pense que ce serait plus égal. Ok, ouais. C'est fair. Antonio Brown, puis Jarvis Landry contre Allen, puis Adams. J'aime mieux ses receivers. Ouais. Landry, contre Casey, ça peut être bon, mais là, ils viennent de fire leur aussi, puis leur head coach. Ouais, les Browns, ça fait chier de la situation. Ouais, je sais pas que ça va donner. Fait que Landry, en plus, il y a 15 targets par game, mais il drop la moitié. Fait que, ouais, je sais pas. En plus, Antonio Brown à Baltimore, c'est pas ça. Fait que j'ai mis sur un receiver. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Kittle contre Gronk. Ouais, les Gronk, là. Ouais, c'est la logique. J'aurais jamais cru hésiter là, au début de l'année, mais ouais. Mettons Gronk, là. Mais... Puis Lamar Miller contre Taylor Gabriel. J'aime mieux Lamar Miller, là. C'est pas un bon match-up. Lamar Miller contre la défense qui a accordé 220 verges à Zaire Crowell. Non, c'est ça. J'aime mieux Lamar cette semaine. Ouais. Fait que je pense être quand même serré ton affaire, mais. Ouais, parce qu'Adams, d'après moi, il va faire pas mal de points. C'est ah ouais, c'est sûr. Écoute, je pense qu'il peut s'en sortir avec une semaine de 90-95 points. Mais moi, dépendamment de Mahomes, si Mahomes fait 35 points. Mais si Melvin Gordon et Mahomes font leur job, tu vas gagner. Là. Ouais. Ouais, moi j'ai juste besoin d'un ou deux gars à performer. Lui, il en a besoin d'un genre de cap. Fait que. Parce que tous mes gars ont un bon floor. Lui, c'est comme plus des boomer bust un peu. Ouais. C'est Gabriel, il faut qu'il y ait un touchdown. Drake, faut qu'il y ait trois touchdowns. Puis, ça me surprend, man. Il va bencher Aaron Jones, pour vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, contre les Pats. Je suis choqué. Je le mettrais à la place de Drake ou Gabriel, honnêtement. Il a peut-être pas refait son line-up dernièrement non plus, là, mais ouais, Jones, contre les Pats, j'aime ça. Et Montgomery est plus là. Williams, ça sert à rien dans le backfield. Ouais. Mais c'est juste que là, il y aurait deux Packers, mais en même temps. Ben, ils vont lancer les Packers. Les ouais, ça va être un shootout contre les Pats. Ok. Ben, ça ressemble à ça, là. Hopefully, il va mettre Aaron Jones. Peut-être pas pour toi, là, mais ça. Ouais, ben écoute. J'aime ça des matchups serrés. Ça me rend stressant en cuisse les dimanches. Ouais, c'est ça. Je t'envoie six fois dans la journée, je vais perdre. Je sais. Oh, Xavier panique. Ouais, puis là, il joue à 4h, là, sauter, là, d'avoir le temps de stresser. Ouais, là, je vais avoir une bonne idée jeudi, là, avec mon kiddo, mais demain, en fait. Ouais, c'est vrai, une couple de match-up qui vont commencer demain, là. Oh, fait que. C'est intéressant. Ok, fait que. Ouais, moi. Le rap. Ouais, moi, tu sais que j'étais à Washington avec Vince en fin de semaine, là, fait que. Ouais, je sais. Je te laisse faire des adieux au podcast. Tu peux leur en parler. Ah, ok, c'est bon. Fait que. Oh. On se reparle un moment donné. Ouais, un moment donné. C'est good. Pour les amis. Bye. Bye. Ouais, c'est pas mal ça. Là. Je vais. Dernier trip là, cette année, je pense, de sport. Je vais à Washington avec Vince pour Falcons et Redskins. Puis c'est ça. Je sais que Moïse voulait appeler, mais Xav a eu la priorité cette semaine. On gérera pour les autres après. Fait que bonne chance à tous. Ça devient de plus important pour. Plus en plus important pour la course aux playoffs. Là. Cette semaine, j'étais un peu serré avec mes examens. Fait que. Je vais pas. Mais la semaine prochaine, je vais être back. Je vais sûrement le faire mardi, là, pas mercredi. Fait que. On va voir. Fait que. À la semaine prochaine. Ciao.